Ces écouteurs. Ces écouteurs. 89.1.1. Vous écoutez l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sophie Laforêt au micro avec vous aujourd'hui pour la 50e émission de Chérie, m'écoutes-tu déjà? Et saviez-vous que la première émission de Chérie, m'écoutes-tu a eu lieu au mois d'octobre 2008, soit le 6 octobre précisément? Et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour, pour prendre la parole pour une 50e émission consécutive. C'est vraiment une belle expérience que je vis, assez fou. Et soit dit en passant, je tenais à le mentionner parce que souvent, j'ai des amis ou connaissances qui me disent « Ah, j'aurais aimé ça faire la radio, mais j'ose pas. » Puis il me semble que l'équipe, ça a l'air soudé. Je sais pas si je pourrais m'insérer. Eh bien, détrompez-vous. Osez. Il reste des plages horaires disponibles pour des gens qui aimeraient soumettre un projet radio. Et dans mon cas, ça a vraiment été une très belle expérience. L'équipe de C'est fou est vraiment, vraiment, vraiment sympathique et je m'amuse vraiment beaucoup ici à vous partager ma musique. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, soumettre un projet. Je vous le conseille fortement. Et donc, aujourd'hui, pour cette 50e émission, j'ai pensé y aller d'un côté plus émotif. C'est-à-dire que moi, la musique que j'aime, c'est souvent une musique qui va venir me chercher émotivement. Et j'ai pensé aussi vous partager mes coups de cœur depuis que j'ai développé, si on veut, cette mélomanie, donc cet amour de la musique. Je vous dirais que c'est développé depuis les années 2000. Donc, je vais vous partager aujourd'hui mes principaux coups de cœur entre 13h et 15h pour ceux qui nous écoutent en direct. Sans plus tarder, on va y aller avec une première formation qui m'a vraiment atteinte au plus haut point la première fois que je les ai écoutées. Donc, on va aller entendre la formation Arcade Fire avec la pièce Neighborhood No. 2. À l'émission Chérie m'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oh,

vient d'entendre la formation new-yorkaise Les Yeyeye avec la pièce Rich. Et cette pièce-là se retrouvait sur leur premier album Fever to Tell qui est paru en 2003. Et c'est un album assez court qui est d'une durée d'un peu moins de 40 minutes. Et moi, ma première écoute, parce que là, aujourd'hui, comme je le mentionnais, c'est la 50e émission de Chérie mes coups de dessus et j'ai l'intention de vous partager mes coups de cœur. Donc, pourquoi cet album-là, pourquoi ces artistes-là ont été mes coups de cœur, c'est qu'à la première écoute, je trouvais que les Yeyeye réussissaient à garder un certain équilibre entre quelque chose de plus trash, de plus rock, et en même temps un côté pop, puis quelque chose là qui, comment je pourrais dire, si on se fie, mettons, au tout le visuel qu'il y a autour des Yeyeye, on montre quelque chose d'assez éclectique, assez trash. Souvent, les pochettes de disques, il y a du sang, là, des membres, mais dans le fond, c'est pas de la musique non plus, là, psychédélique au maximum, ou vraiment débridé, là, je sais pas comment le mentionner. Et donc, c'est un album qui est très dynamique. Leur premier album, Fever to Tell, après, le deuxième album est tourné un peu plus dans le pop, et le dernier encore plus. Mais malgré ce côté pop qui s'est ajouté, moi, ça m'a toujours plu, cette formation. Et ce premier album, donc, qui m'a accompagnée lors de mon jogging nocturne à une certaine époque plutôt. Donc, un album qui est très dynamique, très entraînant et vraiment à écouter si ce n'est pas encore fait. Et avant, on avait la formation, ou plutôt le projet Bad for Lashes, qui est le projet de Natasha Khan, qui est une jeune musicienne et créatrice musicale de Brighton, en Angleterre. On a entendu la pièce What a Girl to Do, qui se retrouve sur son premier album Fur and Gold. Et je me souviens avoir visionné le vidéoclip que j'avais trouvé à la fois inquiétant et qui avait, je trouve, emmené la musique à un autre niveau. Donc, souvent, le visuel nous emmène dans une ambiance encore plus élaborée. Et donc, dans ce vidéoclip-là, ce qu'on voit, c'est la chanteuse à vélo qui a l'air d'une gamine, donc avec les cheveux un peu attachés là, de façon plus jeune. Et elle est suivie par des mascottes qui sont en BMX, qui l'accompagnent dans un parcours qui est chorégraphié. Donc, ils tapent dans les mains en même temps. Et là, c'est vraiment lugubre. Et là, il se passe des choses. Elle voit des choses apparaître près de la route. Donc, un vidéo à visionner si ce n'est pas fait, encore une fois. Et c'est une formation qui m'a accrochée tout de suite. Je vous dirais que c'est le mélange, en fait, le côté électro, le côté pop, rock, le côté new wave à la limite. Donc, c'est plusieurs styles mélangés. Puis, j'ai jamais réussi à bien définir cette formation. Et bien sûr, j'adore la voix de Natasha Khan, donc à découvrir. Et au début de ce bloc, on avait la formation montréalaise qui fait dans l'indie rock Arcade Fire. Et on ajoute à ça une touche un peu baroque. Donc, souvent, il y a des instruments, en fait, l'accordéon qui prend beaucoup de place, mais d'autres instruments qui sont un peu moins vus sur la scène indie rock. Donc, c'est ce qui complète et c'est ce qui rend le groupe unique. La pièce qu'on a entendue s'appelait Neighborhood 2 sur leur premier album Funeral qui est paru en septembre 2004. Et donc, le Neighborhood 1, 2, 3, 4, donc une petite série de pièces, si on veut, qui figurent sur cet album-là. Et c'est un album qui a fait l'unanimité auprès des critiques à sa sortie. Et moi, je me souviens là, d'avoir entendu cet album-là. Je travaillais à l'époque chez un disquaire à Montréal. Et en terminant donc mon heure de travail, j'avais acheté l'album parce qu'on m'en avait parlé en bien. Mais j'avais vraiment pas des attentes aussi élevées que ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, c'était encore à l'époque des lecteurs CD portables. J'étais dans l'autobus en transport en commun. Je mets le CD, je me mets ça dans les oreilles et là, je suis complètement bouche bée parce que j'entends subjuguer. Je trouvais que c'était un nouveau son, c'était rafraîchissant. J'aimais l'urgence dans la voix, l'espèce de côté mélodramatique qui est hurlé. Puis là, comment je pourrais dire, j'étais quasiment bouleversée par cette écoute-là. Puis là, je me disais, il faut que je partage ça à quelqu'un. Donc, en arrivant, j'appelle une de mes amies qui aimait beaucoup la musique en lui disant, il faut absolument que tu écoutes Arcade Fire. Puis aujourd'hui, ben c'est la consécration après seulement deux albums. Et on attend en 2010, justement, un album qui devrait sortir en mai. Et j'ai très, très hâte d'entendre ce que nous réserve cette formation, donc Arcade Fire. Alors, on va se tourner du côté francophone parce que, eh oui, j'ai des coups de cœur aussi du côté francophone. Et là, on va aller vers un bloc qui est franco-québécois. Et on va tout de suite aller entendre la formation Carquois. Et j'ai choisi une pièce de leur deuxième album qui a été l'album qui, encore une fois, a réussi un peu à consacrer ce groupe-là. On a vraiment réalisé que ça devenait un des groupes les plus importants de la scène indie rock au Québec. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie mes coups de dessus en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. lâche au sol, c'est l'air là d'une tête basse et blême, celle qui traîne et porte le teint imparvenu d'une course de rattrapage, du cœur qui tend la voie d'usage, un va-et-vient de temps à autre, celui qui me torture, me fraude, mais le pas inconstant, qui cherche le marche-pied, mais qui saute à temps. Prétendu là où il est permis, à quatre pattes et bouffe ce que l'homme lance au défi. Mais j'ai durement terni depuis nos derniers baisers. J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expier. Je laisse le vent souffler. souffler, je laisse le bon temps rouler. Je laisse le chien courir, la nature sait choisir. Je garde la tête ben chill, la planète est unie. Parmi les hommes, tu dois dire. venez d'entendre Dumas avec la pièce « Je ne sais pas » qui se retrouvait sur son deuxième album « Le cours des jours » et Dumas qui s'est fait connaître au Festival de la chanson de Granby en 1999, donc plus de 10 ans de carrière déjà pour Dumas. Et ce que j'avais aimé en fait de Dumas à l'époque du cours des jours, je pense que c'est particulièrement l'approche un peu mélancolique, les textes également que j'avais bien aimé. Et je me souviens avoir vu le vidéo de cette pièce alors que je travaillais sur un magasin à grande surface dans le département de l'électronique. Alors là, j'avais regardé l'écran et j'étais vraiment plus à mon affaire en tant qu'employé. Et j'avais bien aimé le vidéo qui est assez simple, qui est en accéléré un peu, puis il y a beaucoup de montage puisqu'on voit Dumas qui avance, mais qui change constamment d'habit, donc le cours des jours. Et je ne sais pas, en fait, ça fonctionnait un peu avec les paroles qui se retrouvent dans cette pièce-là. Et donc, c'est en 2003 qu'il a vraiment fait sa place sur la scène musicale québécoise. Et oui, vous allez peut-être me dire que Dumas, c'est pop et qu'on connaît tous bien Dumas, ainsi que Yann Perrot et Carquois. Mais moi, je pense que c'est des artistes qui ont ouvert la porte à la musique émergente au Québec. On dirait que c'est la nouvelle génération, si on veut, qui prenait les devants, qui prenait le micro et qui nous chantait des trucs qui, en tout cas, qui pour ma part, me rejoignaient beaucoup plus que des artistes qui l'ont fait auparavant. Avant Dumas, on a entendu Yann Perrot avec une pièce de son premier album Western Romance. La pièce s'intitule « La planète est une île ». Ce que j'aime de cette pièce-là, c'est les textes, bien entendu, parce que Yann Perrot accorde une attention particulière aux textes qui sont songés, qui sont imagés souvent, de belles métaphores. Et Yann Perrot qui a débuté sa carrière dans la formation Doc et les chirurgiens, qui est une formation de la Naudière. Cette formation-là a duré 5 ans et a connu un bon succès. Ils ont même été faire un tour en Europe, notamment. Ils ont connu un succès là-bas aussi. Et donc, Yann Perrot, qui est toujours auteur, compositeur, interprète, et son troisième album, Un serpent sous les fleurs, est paru en 2009. Excellent album également. Et au début de notre bloc franco-québécois, on a entendu Carquois avec la pièce « Coup d'État » qui se retrouve sur son deuxième album « Les tremblements s'immobilisent » qui est paru en novembre 2005. Et « Coup d'État » qui est sans doute la pièce qui a attiré l'attention sur cet album, pièce qui les a fait connaître également, pièce qui joue aussi maintenant sur les radios commerciales. C'est pas pour en juger, mais simplement pour dire qu'ils ont réussi à faire leur bout de chemin pour atteindre un plus grand public. Et on se cachera pas que Carquois a des influences qui peuvent ressembler à diverses formations rock britanniques, notamment Radiohead, et ils ne s'en cachent pas eux-mêmes. Et donc, Carquois avec un deuxième album qui était excellent, mais je préfère quand même le dernier, donc le volume du vent, qui est paru en 2007 ou 2008, si je me trompe pas. Et il y a un album qui est prévu pour 2010, alors c'est à surveiller. Et de notre côté, on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on revient avec un bloc anglophone, toujours dans le cadre de la 50e émission de l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89 FM. C'est fou, c'est fou, c'est malade. 89. De retour à l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, jusqu'à 15h pour ceux qui nous écoutent en direct. Et on va se tourner du côté anglophone cette fois-ci avec un bloc qui va bouger un peu plus. Et je vous rappelle que pour cette 50e émission, j'ai envie de vous partager des groupes et des coups de cœur donc qui m'ont marqué depuis que je suis la musique de façon plus régulière, donc depuis 2000 si on veut. Et donc c'est ce qui marque aussi un peu la décennie, même s'il y a des trucs que je vous présente aujourd'hui qui datent d'avant 2000. Et on va en parler davantage après avoir entendu le bloc suivant et on va commencer avec la formation The Knife. I'm in love with your c'était la formation Radiohead avec la pièce Idiotech qui se retrouve sur leur quatrième album KD qui est paru en 2000. Et Radiohead qui est une formation britannique active depuis 1991. Et je dois avouer que Radiohead est sans doute, et plutôt en fait je peux vous le confirmer, est la formation que je préfère et ça depuis toujours. Il n'y a aucune formation qui a égalé mon amour, si on veut, de Radiohead, qui est une formation qui évolue de façon admirable depuis les débuts. Pablo Honey, qui était leur premier album, avait connu principalement un succès grâce à la pièce Creep, qui est une pièce qu'on a entendue à la radio, même à la radio commerciale. Puis, donc, ça n'a pas été nécessairement un très bon album. Il y avait certaines pièces qui étaient appréciées, mais c'est pas l'album en entier qui était apprécié. Après, il y a eu The Bends, où là, High and Dry, notamment, a joué dans diverses radios. Un album qui était plus complet, plus songé également, un peu moins pop, un peu moins évident. Puis là, OK Computer, qui a été la consécration du groupe, un album qui est parmi les meilleurs albums de tous les temps encore aujourd'hui, qui n'a pas été égalé. Et pourquoi j'ai pris aujourd'hui, mon Dieu, c'est l'émotion, j'ai de la misère à parler, non c'est pas vrai. Et pourquoi aujourd'hui j'ai pris une pièce de ce quatrième album, KD, qui est paru en 2000, c'est que vraiment là, on se rendait compte que Radiohead était capable d'aller dans un tout autre univers, c'est-à-dire que jusqu'à OK Computer, les guitares étaient quand même assez présentes dans leurs albums. Et là, avec ce quatrième album-là, la guitare est vraiment décentralisée, même plus là pour laisser une place entière à l'ordinateur, si on veut, à la musique électronique, l'échantillonnage. Et c'est un album qui n'est pas évident à la première écoute. La première fois que j'ai écouté cet album-là, j'ai trouvé ça assez difficile parce que justement, OK Computer qui rassemblait des pièces plus évidentes, donc des ballades, des pièces qui étaient plus accrocheuses. Et là, avec KD, ça demandait plusieurs écoutes, mais une fois qu'on se familiarise avec cet album, c'est plus évident de le réécouter et de l'apprécier à sa juste valeur. Et ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est que les pièces sont en continu. Donc, il n'y a pas vraiment de silence entre les pièces. Il y a une fusion qui se fait entre les pièces. Puis ça, c'est vraiment agréable. Donc, on vit une expérience complète. C'est pas pièce par pièce que ça s'écoute, cet album-là. C'est vraiment en entier. Et si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur mon amour de Radiohead, entre autres, ou plutôt de ce quatrième album KD, même si j'ai aimé tous les albums de Radiohead, peut-être le premier un peu moins, aussi parce que je ne l'ai pas découvert à l'époque où il est sorti, j'étais un peu jeune. Donc, vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et si vous retournez dans les archives, j'avais écrit deux textes sur Radiohead, justement, en lien avec la réédition de leur album KD et Amnesia qui a été fait là en 2009, donc récemment. Et on va parler également de ce qu'ils jouaient avant, parce que même si j'aime beaucoup Radiohead, il y a d'autres formations que j'aime aussi. Il y avait la formation Smashing Pumpkins, qui est une formation américaine qui a été formée en 87. Et ils ont été ensemble jusqu'en 2000. En 2000, ils se sont séparés et sont revenus ensemble en 2006, donc assez récemment. Et c'est une formation qui est apparue à l'époque où on entendait parler du style alternatif là, au sens propre. Donc, c'était pas de l'alternatif mélangé avec autre chose nécessairement. C'était vraiment le style alternatif comme ça dans un bloc. Et à cette époque-là, on entendait même diverses formations qui aujourd'hui sont jugées un peu comme plus underground sur les radios commerciales. Donc, moi, c'est vraiment sur les ondes d'une radio commerciale que j'ai découvert The Smashing Pumpkins à l'époque où il y avait également Radiohead qui jouait justement avec la pièce High and Dry, notamment Oasis, Garbage, No Doubt. Donc, étaient des formations un peu plus, comment je pourrais dire, un peu moins pop de l'époque. Et la pièce que j'ai choisie s'appelle « I » et c'est une pièce qui est tirée d'une compilation qui s'appelle « Rotten Apples ». Donc, c'est pas une pièce qui a figuré sur les albums officiels de la formation. Donc, c'est une pièce un peu moins connue que j'adore vraiment beaucoup. Donc, qui ont ajouté justement dans cette pièce-là vraiment un côté électronique omniprésent, en tout cas plus présent que sur leurs autres pièces qui étaient justement plus alternatives là, avec les guitares et les instruments traditionnels. Et au début du bloc, on avait la formation suédoise The Knife avec la pièce Pass This On qui est tirée de leur album Deep Cuts. Et pourquoi j'ai choisi cette pièce-là, c'est que je suis tombée un peu au hasard sur le vidéoclip de la chanson à partir d'Internet. Donc, je lisais des critiques sur une revue musicale en ligne. Et là, il y avait un lien sur cette formation The Knife que j'avais déjà entendu. J'avais souvent lu et entendu le nom, mais je m'étais jamais attardée à leur musique. Et là, je vais voir la vidéo Pass This On. Et en fait, je vous invite à aller le voir parce que c'est dur de le décrire, mais c'est qu'on voit dans le vidéo une drag queen qui fait du lip-sync sur la pièce dans une espèce de rassemblement familial qui a l'air de se dérouler comme dans une pièce assez sombre, peu dynamique, assez simple. Puis ce qui est intéressant dans ce vidéoclip-là, c'est de sentir à la fois une espèce de malaise qui plane entre la drag queen, donc, qui fait une espèce de lip-sync, et les membres de la famille qui se parlent pas, qui écoutent la pièce, qui ont l'air à pas vraiment aimer ce qu'ils sont en train de voir, mais finalement, soudainement, tout le monde se lève un peu timidement, ou en fait plus ou moins, tout le monde se lève, va près de la drag queen et tout le monde danse. Puis ce qui est intéressant, justement, c'est de voir à travers ce malaise-là, la sensualité qui se développe, puis la subtilité dans les regards, en fait. Allez le voir, mais je ne sais pas si ça va vous faire le même effet que moi, mais moi, ça a ajouté vraiment beaucoup à cette pièce qui s'appelle « Pass This On ». Et là, je vais arrêter de parler un instant. On va aller en pause et on revient tout de suite à l'émission « Chérie mes coutus » sur les ondes de C'est fou, 89 FM. De retour à l'émission Chérie mes coutus en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 15h pour ceux qui nous écoutent en direct et jusqu'à 17h pour ceux qui nous écoutent le mardi en rediffusion. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la 50e émission de Chérie mes coutus et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour le souligner. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est des pièces, des artistes qui ont été un peu des initiateurs de mon amour de la musique, si on veut. Et également des artistes qui ont ouvert la porte à d'autres artistes qui ont été émergents, donc par la suite, évidemment, même si ces artistes-là plus connus ont été émergents, eux aussi, à un certain moment donné, ça va de soi. Tout ça pour dire que le prochain bloc va être un bloc d'interprètes féminines, voilà, et on va en avoir autant du côté francophone québécois que du côté anglophone américain que du côté, finalement, francophone de la France. Et on va aller tout de suite entendre une pièce d'Ariane Moffatt tirée de son deuxième album. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Ariane Moffatt, c'est populaire, comment ça joue assez fou? Ben, j'ai choisi une pièce de son deuxième album qui, selon moi, était peut-être un peu moins jouée dans d'autres radios, un peu moins connue. Et c'est une pièce que j'apprécie particulièrement pour les textes. Donc, je vous invite à accorder une attention particulière pour les textes, qui est un texte qui parle de l'identité, peut-être, et des choix qu'on a à faire. Et je vous laisse l'entendre et on en reparle tout de suite à Chérie mes coutus. Yeah. step, but he caught me here. Yes, my loyalty's turned like my anchor in seventh grade, running after Billy, running after the rain. Ugly girl, but I like the way you play. And I died, but I banged him. Can you believe that? A sick, sick, holding on to his picture, dressing up every day. I wanna smash the faces, those beautiful boys, those Christian boys. So you can make me calm, it doesn't make you Jesus. Cesser de t'attendre. pas le septembre, entends-tu le glas que je sonne. Je t'aime toujours, je t'aime toujours, je t'aime toujours, d'amour je sème l'amour. Je t'aime toujours, les saisons passent, je t'aime toujours. C'était l'auteur-compositrice-interprète Camille, donc qui est d'origine française, avec la pièce « Pâle septembre » de son album « Le fil ». Et cet album-là est paru, si je ne me trompe pas, en 2004 ou 2005. Donc, tout de suite après son album « Le sac des filles » qui est paru en 2002. Donc, pas vraiment tout de suite, mais plutôt 3 ans plus tard. Et la particularité de cet album-là, c'est que Camille, en fait, a construit cet album-là sur la note « Si ». Donc, qui revient constamment. Donc, chaque pièce commence sur cette note-là et la suit un peu, si on veut. Et un album où plusieurs ambiances sont construites à partir de voix un peu de façon beatbox. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, de cet artiste qui m'a plu particulièrement avec cet album-là, Le film, même si j'ai bien aimé Le sac des filles tout juste avant. Et ce que j'aime de la pièce que je vous ai présentée, c'est vraiment la montée à une minute de la fin, donc avec les cris un peu stridents, un peu à la façon de... Je dirais pas nécessairement de Joran ou d'Émilie Simon, mais ça a quelque chose qui revient un peu, quelque chose de particulier, une petite touche originale qu'on retrouve pas chez d'autres artistes. Avant ça, on avait l'auteur-compositrice-interprète particulièrement au piano, Tori Amos, qui est une artiste américaine que j'ai découvert tardivement, soit en 2003 à peu près, alors que j'étais au cégep. J'avais fait un échange d'albums avec une amie, donc j'avais échangé le sixième album plutôt de Radiohead, l'album Hail to the Thief. Et en échange, elle m'avait prêté la compilation Tales of a Librarian, qui est en fait une excellente compilation pour ceux qui ne connaissent pas Tori Amos. Moi, ça m'a permis de vraiment cibler les pièces que j'appréciais davantage, puis d'aller chercher les albums. Donc, en lien, chercher les albums sur lesquels les pièces se retrouvaient. Et donc, la pièce qu'on a entendue s'appelle Precious Things, qui se retrouve sur le premier album de Tori Amos, qui est paru en 92. Et j'ai découvert, en fait, tout d'un coup, finalement, ces albums, puisqu'ils étaient sur la compilation. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est donc le premier Little Heartquakes, celui dont il est question. Et ensuite, Under the Pink, Boys for Pelé et finalement From the Char Girl Hotel, qui sont mes 4 albums préférés, donc jusqu'à To Venice and Back, qui est un album Donc, de nouvelles pièces, mais aussi un album live qui est un excellent album. Après ça, Tori Amos est allé dans quelque chose de plus pop, de plus accessible, je vous dirais, peut-être pour aller chercher une autre génération. Mais en même temps, cet artiste-là aussi a évolué, donc a vieilli. Donc, ça emmène des textes différents. Et j'avais lu une entrevue où elle disait justement que ça aurait pas été normal, selon elle, de garder la même douleur ou la même urgence, si on veut, qu'elle transmettait dans les quatre albums que je vous ai mentionnés. Donc, après, elle est allée vers des trucs un peu plus légers. Bon, comme je vous disais, moi, la musique vient souvent me chercher davantage par rapport aux textes et aux émotions. Raison pour laquelle ces quatre albums-là sont venus me chercher davantage que les suivants. Et malheureusement, je vous dirais qu'aujourd'hui, Tori Amos sort des albums à une fréquence d'à peu près un album aux ans ou aux deux ans. Puis je vous dirais que c'est peut-être pas une fréquence qui lui vaut bien, au sens où ses albums, selon moi, sont beaucoup moins recherchés, beaucoup moins accrocheurs. Il y a une petite magie là, derrière Tori Amos qui s'est éteinte avec le temps. À ma grande déception, mais si c'est une artiste que vous ne connaissez pas, retournez voir, ou plutôt retourner écouter ces quatre albums-là, donc de 92 à 99 à peu près. C'était mon éloge de Tori Amos à l'émission Chérémy Coutu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Avant ça, on avait Ariane Moffat, qui est une auteure-compositrice interprète féminine donc du Québec. Et la pièce que je vous ai présentée, c'est la pièce titre du deuxième album Le cœur dans la tête, donc la pièce a le même nom. Et cet album-là, ce deuxième album-là, était plus électro que le premier et moins pop que le dernier. Chose que j'aimais. J'aime beaucoup les touches électro. J'aime beaucoup les textes aussi. Un album qui se tenait bien. C'est pas l'album qui a fait jaser le plus, je vous dirais, parce que justement, il y avait le côté pop qui était un peu moins présent. Puis au début, avec son premier album, Aquanote, c'était vraiment plus le côté guitare acoustique. Donc, le côté plus chansonnier, si on veut, donc qui est venu nous chercher d'Ariane Moffat. Mais vraiment, avec ce deuxième album-là, elle a touché une complexité qui m'a rejoint davantage. Est-ce le cas pour vous? Je ne le saurai jamais. Et donc, c'est ce qui complète ce bloc d'interprètes féminines. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. À cette adresse, vous trouverez le lien vers les feuilles de route des émissions ainsi que les balados que vous pouvez télécharger ou écouter directement sur la page Internet. Vous aurez également des courts commentaires, en fait, de ma part, des critiques de spectacles, d'albums ou toute anecdote ou découverte musicale. Et si vous voulez commenter, donc, m'écrire, m'envoyer une suggestion, c'est possible de le faire sur le blog. Sinon, écoutez, vous pouvez m'accrocher dans un corridor si vous me connaissez. C'est toujours possible aussi. Hein, le contact humain, c'est très important. Et ceci étant dit, on va se tourner vers un bloc anglophone. En fait, on va commencer avec deux pièces anglophones pour finir avec une pièce francophone. On va aller entendre la formation de National, qui est une formation que j'ai découverte cette année, mais qui est une excellente formation, donc, de New York. Et on va entendre la pièce Fake Empire à l'émission Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Staying super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Thank you. on the wheel. Let the golden age begin. The window down. Desert wind, cool your aching head. The weight of the world drift away instead. Treacherous road with a desolated view. As distant lights heal their foreign tellement qu'on ne les voit même pas. Ils doivent s'aimer sûrement si fort que même s'il pleut, ils ne prennent pas le temps de se lâcher des yeux. Ils s'aiment encore beaucoup plus qu'avant. Ils savent encore qu'ils étaient avant moi. Je ne m'en souviens pas. Regarde les vivants, regarde les superbes, ils s'aiment comme des enfants, tu vois. Les étincelles, ils ne se lâchent plus, soudain, ils se roulent dans l'herbe, si amoureusement qu'il leur pousserait des ailes. Regarde le printemps, regarde les abeilles, souviens-toi de novembre et vois comme la nature est belle. Regarde les amants, épouser le soleil, les choses sont plus fortes lorsqu'elles sont éternelles. Ils s'aiment encore, beaucoup plus qu'avant. Ils savent encore qu'ils étaient avant moi. Je ne m'en souviens pas. C'était la formation Mickey 3D avec la pièce « Regarde les amants » de leur deuxième album « La Trêve » qui est paru en 2001. Et c'était à l'époque une jeune formation française. Et ce que j'aimais bien de cet album-là, c'était particulièrement leur texte. Et je vous dirais que pour une rare fois à l'époque, comme je vous dis, en fait, c'est que mon oreille s'est développée. Puis bon, j'ai aimé d'autres trucs par la suite, mais je veux dire, c'était une des premières formations françaises rock qui, selon moi, réussissait à rejoindre un grand public puis qui était comme à la fois... Oui, à la fois engagée, mais à la fois pop et rafraîchissante. Je vous dirais que contrairement à des formations comme Noir Désir, par exemple, ou bon, pour parler de Mano Solo qui nous a quittés récemment, donc le 10 janvier, des artistes français qui étaient très engagés, mais là, c'est une formation qui était capable d'être assez équilibrée entre les deux. Parce que pour ma part, j'aime les trucs engagés, mais des fois, j'aime ça aussi, écouter des trucs plus légers qui me demandent un peu moins d'introspection, si on veut, et de jugement sur notre belle société qui parfois inspire les artistes, c'est bien évident. Et donc, voilà, le deuxième album, La Trêve, qui est un excellent album, qui est peut-être un peu moins pop que les derniers, Respire. Non, en fait, je dis tout le temps que l'album s'appelle Respire, c'est Tu vas pas mourir de rire, sur lequel on retrouve la pièce Respire, et l'album Matador également. Donc, La Trêve, album à découvrir de la formation rock française Mickey 3D. Avant, on avait Beck avec la pièce de Golden Age de son album Sea Change, album qui a marqué la carrière de Beck, je vous dirais, parce que pour la première fois, comparativement à ses précédents albums, la langue me fourche, Beck a remplacé les paroles ironiques qu'il utilisait jusqu'à présent par un contenu plus dense, plus sincère, plus personnel. On avait droit à un Beck qui avait mal, je pense, là, qui devait avoir vécu des trucs pas évidents, notamment dans ses relations amoureuses, si on se fie au texte. Et en fait, je vous invite à accorder tout le temps une... En fait, je vous invite. Prenez ce commentaire-là ou ne le prenez pas, mais je vous invite à accorder une attention au texte. C'est un élément assez important de l'écoute, surtout quand on écoute des textes qui sont pas dans notre langue maternelle. Donc, ça peut emmener l'écoute et la musique à un autre niveau. L'album Sea Change, donc, qui a été un album produit par Nigel Godrich, qui est notamment le producteur de Radiohead. Et on sent quand même sur cet album-là certaines sonorités s'apparentant à OK Computer, à mon humble avis. Avant ça, on avait la formation new-yorkaise de National avec la pièce Fake Empire de leur album Boxer, qui est paru en mai 2007. Et ce que j'ai aimé de cette formation que j'ai découvert cette année, bien qu'elle soit formée depuis 1999, c'est la voix grave du chanteur Matt Berninger, qui est un baryton. donc qui est justement remarqué par sa voix, qui est beaucoup plus grave, mais qui tient la note, bien évidemment, d'où sa belle voix de chanteur, mais un artiste et une formation à découvrir. Ils ont notamment fait paraître la pièce Far Around the Bend sur la compilation Dark Was the Night, dont on a parlé notamment à la rétrospective 2009 de Chéri Mikoutu, une excellente pièce de cette formation. Et c'est justement ce groupe-là qui a produit cette compilation Dark Was the Night, où les fonds étaient remis entièrement à la lutte contre le sida. Excellente formation indie rock pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui est parue en 2009. Et sur ces coups de marteau derrière moi, je ne sais pas si vous les entendez, on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on va revenir en musique à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Vous êtes toujours à l'émission Chéri Mikoutu en compagnie de Sophie Laforêt et on arrive vers le dernier droit de cette 50e émission. Donc, 50e édition de Chéri Mikoutu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, émission qui a commencé le 6 octobre 2008. Et c'est une expérience enrichissante et vraiment très, très pertinente, je crois, dans mon parcours. Je suis étudiante en troisième année au bac en communication sociale et j'inviterai les étudiants qui étudient notamment dans mon programme, mais dans d'autres programmes, à déposer un projet d'émission si vous aimez la musique, si vous aimez la culture, si vous aimez la politique, peu importe. Il y a des émissions musicales, mais il peut également y avoir des émissions à contenu varié, donc à contenu plus parlé, si on veut. Notamment, si je prends, par exemple, l'émission L'inconduite de partie qui parle de sport, donc les mardis matins, si je ne m'abuse dans l'horaire. Alors voilà, invitation lancée à tous. Sinon, de notre côté, on continue les coups de cœur, de cette émission, plutôt mes coups de cœur depuis que je suis fan fini, plutôt mélomane de la musique. Et il nous reste quelques pièces à entendre. Et là, je vous propose d'aller entendre une formation canadienne composée de 5 femmes de Vancouver, donc la formation The Organ avec la pièce Basement Band à l'émission Chéri Mikoutu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. au quart de tour. Il couvre tous les angles, des semis jusqu'au labour. C'est bien sûr une manière de parler. Sous l'apparence, il n'y a personne. Dans le corps n'habite pas d'homme. C'est un phénomène génie. Je n'y accorde aucun crédit. Quand dans le corps il n'y a pas d'homme. Elle ne donne rien d'elle. Elle prend tout de vous. La boulimie du mois. Elle vomirait, je crois, si vous étiez du chocolat. C'est bien sûr une manière de parler. À des trous que remplir n'emplit rien du tout. Sous l'apparence il n'y a personne. Dans le corps la vie de madame. C'est un phénomène de génie. Je n'y accorde aucun crédit. Quand dans le corps il n'y a pas d'âme. Quand dans le corps la vie de madame. C'était Daniel Bélanger qui nous chante « Manière de parler », titre tiré de son album « L'échec du matériel », son avant-dernier album, car il vient de nous sortir un album qui s'appelle « Nous » à la fin 2009. Et ce que j'aimais de l'album « L'échec du matériel », c'est la thématique de l'album, donc une critique de cette société dans laquelle nous sommes à l'ère de la surconsommation et de la mondialisation. Des textes que j'ai trouvés très intelligents et qui posent de bonnes questions, donc qui portent l'auditeur à se questionner, ce qui est une bonne chose, hein, se questionner, c'est important. Et musicalement aussi, toujours intéressant, et j'avais jamais vu Daniel Bélanger en spectacle, et je suis allée le voir dans le cadre de la tournée pour cet album-là. Un excellent album, et un Daniel Bélanger très drôle. Je pensais pas que c'était un artiste qui avait le sens de la répartie, si on veut, sur une scène très intéressant, chaleureux. Il m'a fait bien rire, donc... Il allait de petits commentaires légers entre ses pièces. C'est vraiment musicalement très intéressant, ce Daniel Bélanger. Avant, on avait la formation de New York Interpol, la pièce Obstacle 1, ou Obstacle Number 1, comme vous voulez, ou One, tout simplement. De leur premier album, Turn on the Bright Lights, qui est paru en 2002. Et un album vraiment excellent que j'ai découvert, encore une fois, un peu par hasard, grâce à Internet et des paroles, encore une fois, recherchées, probablement grâce au chanteur Paul Banks, qui a étudié notamment en littérature. Et sur cet album-là, il y a une omniprésence de guitare et on sent l'urgence dans les pièces, donc toujours un rythme assez soutenu. Une formation à découvrir qui est rendue à trois albums et un quatrième album attendu pour 2010. Avant ça, au début du bloc, on avait la formation canadienne The Organ, qui est une formation entièrement composée de femmes de Vancouver, donc formation qui n'existe plus dorénavant, qui a été active de 2001 à 2006. Malheureusement, le groupe s'est séparé pour des raisons inconnues. Et c'est une formation qui rappelle d'autres grands noms de la musique comme The Cure, The Smiths, notamment des formations entièrement féminines aussi comme Siouxsie and the Banshees. Je pense qu'il y avait un gars là-dedans, je suis pas sûre. D'autres formations comme The Slits aussi. Et l'album s'appelle Grab That Gun, premier album, il y en a eu deux. En fait, il y a eu un album complet qui est celui-ci, plus un mini-album. Et définitivement, sur cet album-là, il y a encore une fois l'urgence, un peu à la manière d'Interpol. Et ce qui est intéressant, c'est la force de la voix de la chanteuse Cathy Sketch, qui a commencé un nouveau band, une nouvelle formation qui s'appelle The Mermaids, donc les sirènes. Mais il n'y a rien encore qui est sorti, à part un court vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Moi, j'espère vraiment avoir la chance de réentendre Cathy Sketch avec d'autres musiciennes ou musiciens, peu importe, mais vraiment une voix unique, particulière, que j'ai beaucoup aimé. Et Grab That Gun, si vous avez aimé, en fait, la pièce qu'on a entendue, vous allez adorer, mais adorer l'album qui se soutient comme ça, du début à la fin. Un court album de 30 minutes, mais c'est court, mais maudit que c'est bon. Bon, voilà, c'est un cri du cœur. Et l'émission va se terminer bientôt. On va aller entendre deux dernières pièces francophones. Mon premier choix va à Émilie Simon, qui est une autre artiste, un de mes coups de cœur depuis que je suis mélomane, une artiste que j'aime beaucoup, qui nous vient de la France et qui est ingénieure du son aussi. On va l'entendre la pièce « Il pleut » qui est tirée de son premier album éponyme. Et après ça, on va entendre une dernière pièce, je ne sais pas encore laquelle, peut-être Marie-Jo Thériault, donc un de mes coups de cœur. Sinon, ce qu'on n'aura pas eu le temps d'entendre, c'est « The Pixies », « Portishead » aussi, que j'aime beaucoup, Joran et Martha Wainwright. Donc, je vais faire un choix parmi ces coups de cœur-là pour conclure l'émission. Et je vous rappelle que c'était la 50e émission de « Chérie, m'écoute-tu ». De Chérie, m'écoutes-tu? Je m'enfarge avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et on se retrouve lundi prochain en direct de 13h à 15h et demain en rediffusion de 17h à 19h, toujours sur les ondes du CFOU. Il pleut, c'est malheureux, il pleut depuis ce matin. S'emparer de mon être, sans paraître malhonnête.